Exercice 7, page 76. Virelangue. L'élève énerve Ève et l'évite. L'élève énerve Ève et l'évite. L'élève énerve Ève et l'évite.